revient tard. Pars vite et reviens tard. Pars vite. Revient tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Parfait. Et revient tard. Parfait. 9e épisode. Tandis que les services de police parisiens sont submergés par les appels téléphoniques et par la prolifération incontrôlable des chiffres 4 peints sur les portes d'immeubles, le sommeur a fait une victime de plus à Marseille. Aussitôt rendu sur les lieux, Adamsberg a confirmé qu'il s'agissait bien du même assassin. Alors qu'il errait sur le vieux port en compagnie de son collègue Masséna, le reflet de la lune dans l'eau noire lui est apparu comme une révélation. Il sait que le tueur porte un diamant au doigt. Quatre. Perdu, boule de pétanque, dimanche dernier dans le square. 5. Et votre spécialiste, il a réussi à démêler la spéciale d'hier. 3. L'épidémie de 1517. Le semeur a pris gros voyage. S'il visite tous les lieux que la peste a touchés, on en a pour 30 ans à parcourir l'Europe. Il complique les choses. Il les simplifie, au contraire. Il regroupe ses hommes. Comment cela? Je ne pense pas qu'il traverse le pays pour le plaisir. Sa troupe s'est dispersée, il la rattrape. Sa troupe? Une bande, un groupe, un forfait. Le semeur les cueille les uns après les autres en abattant sur eux le fléau de Dieu. Ce ne sont pas des choix de hasard. Il sait ce qu'il vise. Et les victimes sont repérées depuis longtemps. D'ailleurs, elles ont sans doute compris qu'elles étaient menacées. Elles doivent même savoir qui est le semeur. Si c'était le cas, elles viendraient se placer sous votre protection. Non, de Cambrai. À cause du forfait. Ce serait comme un aveu. Le type de Marseille avait compris, il venait de poser deux verrous à sa porte. Mais quel forfait, bon sang? Comment voulez-vous que je le sache? Il y a eu une merde. Et on assiste à son effet retour. Qui sème la merde, récolte des puces. Maintenant, la page d'histoire. Carmela, trois mâts autrichiens de 405 tonneaux, partis sur l'est de Bordeaux à destination de Cardiff. Vient se perdre sur Gasque Arvillers. Équipage, 14 hommes, sauvés. Yes. Non, c'est pas possible. Merci à tous. Vous aviez parié quoi? L'éclair. Ah, c'est encore vos visions. Danglars? Oui. Rappliquez au pas de course, sur la place, avec deux hommes. Activez, capitaine. J'ai le semeur. C'est qui? Damas. Assumez vos armes! Il est peut-être dangereux! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais arrêtez! Mais lâchez-moi! Ouais. Damas! Il est fou! Damas! Ils ont perdu la tête! Damas Viguier, vous êtes accusé du meurtre de 5 personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes accusé. J'ai tué personne, je peux m'en aller? Non, vous êtes en garde à vue. Regardez ces photos. Ces 5 personnes ont toutes été étranglées. 4 à Paris, la dernière à Marseille. Les reconnaissez-vous? Oui. Où les avez-vous vues? Dans le journal. Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge avec lui. Montrez-moi vos mains, Damas. Non, pas comme ça, dans l'autre sens. Là, ça, c'est un diamant? Oui. Pourquoi le retournez-vous? Pour pas l'abîmer quand je répare des planches. Il vaut cher? 9000 euros. D'où le tenez-vous? Cette famille? C'est le prix d'une bécane que j'ai vendue, une BMR 1200 presque neuve. L'acheteur m'a payé avec ça. Ce n'est pas courant pour un homme de porter un diamant. Moi je le porte, puisque je l'ai. Commissaire? Les gardes de la perquisition viennent d'appeler. Ça ne donne rien. Pas un sac de charbon de bois, pas un élevage de puces, pas un rat, vivant ou mort. Et surtout pas un livre, ni à la boutique, ni chez lui, à part quelques romans en édition de poche. Laissez tomber. Ce bonnet ne peut pas être le semeur. Si, Danglars. Vous ne pouvez pas vous lancer sur ce diamant, c'est ridicule. Les hommes ne portent pas de diamant, Danglars. Mais celui-ci en portant à l'annulaire gauche, et il en cache la pierre dans sa paume. Pour ne pas l'abîmer. Foutaise, rien n'abîme un diamant. Le diamant est la pierre protectrice de la peste par excellence. Il le tient de famille, depuis 1920. Il ment, Danglars. Et n'oubliez pas qu'il manipule l'urne du crieur 3 fois par jour. Mais bon sang, ce type n'a pas lu un seul livre de sa vie. Qu'est-ce que vous en savez? Mais vous voyez ce mec-là en latiniste, mais vous plaisantez. Je ne connais pas les latinistes, Danglars, je n'ai donc pas vous préjuger. Et Marseille? Comment se trouvait-il à Marseille? Il est toujours fourré dans sa boutique. Pas le dimanche, ni le lundi matin. Commissaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de Damas Viguier à l'identité. Ce type n'existe pas, ses papiers sont faux. Vous voyez, Danglars, il ment. Mais merde, mais tout le monde a un faux nom sur cette place ou quoi? Envoyez ses empreintes, il a sûrement fait de la tôle. On le ressasse depuis le début. L'homme qui a ouvert l'appartement de Lorion et celui de Marseille savait s'y prendre. C'est fait, voilà le fax qu'on vient de recevoir. Vous ne vous appelez pas Viguier? C'est un nom pour la boutique. Et pour vos papiers? Faux et usage de faux. C'est un ami qui me les a fait. Je préfère. Pourquoi? Parce que j'aime pas le nom de mon père. Il est trop voyant. Dites pour voir. Je l'aime pas. Eh bien, je vais te le dire, moi. Arnaud Damas est l'air de ville. L'industriel de l'aéronautique et l'air de ville. C'est ton père? C'était. Grâce à Dieu, il s'est foutu en l'air dans son avion privé il y a 2 ans. Pas de paix à son âme. Pourquoi? Pour rien. Tu as fait 50 tôles à Fleury et tu es sorti il y a 2 ans et demi. Accusation d'homicide volontaire. Ta petite amie est passée par la fenêtre. Elle a sauté. C'est ce que tu as répété au procès. Des voisins ont témoigné, vous entendez vous engueuler comme des chiens depuis des semaines. Ils avaient même appelé les flics une fois. Motif de l'engueulade, Damas? Elle était déséquilibrée, elle criait tout le temps. Elle a sauté. T'es pas au tribunal, Damas. Et on ne refera jamais ton procès. Tu peux changer de disque. Tu l'as poussé? Non. Tu t'y connais en serrure? J'ai appris. L'air de ville. C'est toi qui as tué ces 4 types et cette femme? Qui les a étranglés? Non. Ils t'avaient fait du mal? Les cadavres portent les traces de piqûres mortelles de puces de rats et les corps sont noirs, morts de la peste. Tous les 5. Oui, c'est ce que les journaux ont expliqué. Tu sèmes la peste, Damas. C'est toi qui as peint les 4. C'est toi qui envoies les puces. C'est toi qui tues. Non. Mais ces puces que tu transportes grimpent sur toi comme sur les autres. Ces puces pesteuses sont aussi sur toi. Mais tu es protégé, tu as le diamant. Elles ne peuvent donc rien contre toi. Donne-moi ta bague, Damas. Allez, 10 minutes seulement. Je te la rendrai, je te le jure. Mais qu'est-ce que tu crains? Mais si tu y es pour rien, t'as pas à t'en faire. Alors retire-la. Je peux pas l'enlever, c'est un vœu. C'est la jeune fille qui a sauté. C'était sa bague. Je te la rendrai. Non. Donne-la-moi. Non. Tu as peur, Damas. Tu sais que dès que la bague aura quitté ton doigt, les puces te piqueront, et mortellement cette fois. Non, c'est un vœu. Alors déshabille-toi. Quoi? Enlève tes fringues, toutes. Devant ces types? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Danglars, apportez un sac, et sortez vous autres. Vous le gênez. Pourquoi je devrais me déshabiller? Je veux tes habits, et je veux voir ton corps. Alors déshabille-toi et vite. Tenez. Mets tes affaires dans ce sac. Envoyez ça au labo. Urgent. recherche de vos... Nosopsilus fasciatus. C'est ça, oui. Écarte les jambes. Bon, tu as des piqûres de puce, Damas. Deux sous le bras droit, une à l'aine gauche et trois à l'aine droite. Mais tu ne crains rien, hein? Tu as ta bague? Il y a des puces au magasin. Des puces de rat, tu es sûr? On va attendre un peu et on saura. En attendant, tu peux aller dormir si tu veux. Je vais te conduire dans ta cellule. Jean-Baptiste? Ici votre commandant. Jean-Baptiste, tu es là? Excusez-moi, tu l'as réveillé. Quoi? Les résultats du labo sont arrivés? Non, commissaire, c'est un homme. Il veut faire une déposition. Quelle heure est-il? Il est presque 4 heures, commissaire. Non, j'avais dit de laisser tomber les paniquards, là. Mais il prétend qu'il est un cas spécial. Il dit qu'il a été piqué par des puces. Quand? Cette nuit. Amenez-le-moi, brigadier. SLR, commissaire. Hein? Visage rond, aux yeux verts, craintif, égal, estomac. Asseyez-vous. Votre nom? Kevin Roubaud. Votre âge? 36 ans. Alors comme ça, vous avez été piqué par des puces? Oui, il n'y a pas 2 heures. C'est ça qui m'a réveillé. Il y a des 4 sur les portes de votre immeuble, monsieur Roubaud? 2. La gardienne en a fait un sur sa vitre au feutre. Et le type du 5e gauche. Alors c'est pas lui, ce sont pas ses puces. Vous pouvez rentrer tranquille. Vous rigolez, j'exige une protection. Le semeur peint toutes les portes, sauf une, avant de lâcher ses puces. Ce sont d'autres puces. Vous avez reçu quelqu'un ces derniers jours, hein? Quelqu'un avec un animal? Ouais. Un ami est passé il y a 2 jours. Avec son kleps. Alors voilà. Allez, rentrez chez vous, monsieur Roubaud. Et dormez. Hein. On va tous se rendormir pour une petite heure. Ça nous fera du bien. Mais non, je veux pas, moi. Si vous êtes inquiet à ce point, appelez la désinfection, puis merde. Mais ça servira à rien. Le tueur m'a choisi, puce ou pas puce, j'exige une protection. Bien. Il vous a choisi. Oui. Il n'y a pas un seul 4 digne de ce nom dans votre immeuble, mais vous savez qui vous a choisi. Toutes les victimes ont eu des puces. C'est dans le journal. Non, Roubaud, c'est autre chose. Installer. Oui, commissaire. Appelez Danglars, qu'il vienne. Maintenant, commissaire. Maintenant, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans un magasin d'ameublement, derrière la gare de l'Est. Vous êtes marié? Je suis divorcé. 2 ans. Les enfants? 2. Ils vivent avec vous? Avec leur mère. J'ai le droit de visite le week-end. Vous avez la télévision, internet? Ah oui. Vous suivez les informations? Ouais, plusieurs fois par jour. Alors vous devez savoir qu'on a cueilli l'assassin hier soir, non? Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit lui, moi. Ah non, ah, parce que vous y connaissez en tueur. Mais c'est moi qu'on menace et c'est moi qu'on emmerde! Putain, j'aurais mieux fait de me démerder tout seul. On veut aider la justice et voilà le résultat, là. T'es pas le fortiche, Roubaud. Si t'es pas content, tu vas rentrer chez toi, bien gentiment. Chez toi, Roubaud. T'entends? Ouais. File, t'es libre. Tu as peur, hein? Tu as peur qu'il t'étrangle, comme les 5 autres. Tu sais que tu ne pourras pas te défendre, hein? Tu sais qu'il te rattrapera, où que tu sois, à Lyon, à Nice ou à Berlin, hein? Parce que tu es la cible. Hein? Et tu sais pourquoi. Regarde. Ce sont eux que tu vas rejoindre. Tu les connais, tous. Et c'est pour ça que tu as peur. Foutez-moi la peine. Alors, Phil, casse-toi. Ça va, ça va. Tu les connais? Oui et non, quoi. Je t'écoute. Disons que je les ai rencontrés un soir il y a longtemps, il y a 8 ans peut-être, au moins. On a bu un coup. Vous avez bu un coup et c'est pour ça qu'on vous désingue les uns après les autres. Vous étiez combien? 6. On s'est retrouvés dans un bistrot. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais rien. Roubaud, j'ai le summer dans la cellule. Si tu veux, je te colle avec lui, je ferme les yeux et on n'en parle plus. Disons qu'on a sticoté un gars. Pour quoi faire? On était payés pour que le type crache quelque chose. C'était le contrat. Le contrat? Ouais. On nous avait loué, quoi. Un petit boulot. Eh ben, raconte. On nous avait refilé l'adresse d'une salle de gym et puis le nom du type. Et le nom du bistrot où on devait se regrouper. Parce qu'on se connaissait pas avant. Aucun de vous? Bah non, on a tous été piochés séparément. Par qui? J'en sais rien, moi, tout était par écrit. J'ai jamais su qui nous louait parole. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle de gym? On l'a dit, moi. L'asticoté, c'est tout. Et il a craché ce qu'il devait cracher? Ouais. Il a fini par téléphoner, il a refilé toutes les informations. Il s'agissait de quoi? Fric? Dope? J'ai rien compris, parole. Mais le patron a dû être satisfait parce qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Bien payé? Ouais, assez. Et votre victime vous ferait payer 8 ans plus tard? C'est ce que je crois, ouais. Pour un asticotage? Tu te fous de moi, Roubaud? Vous l'auriez pas plutôt torturé par hasard? C'est la vérité, pourquoi on les aurait torturés? Merde! Ils avaient rien dans le ventre, ils se faisaient dessus rien qu'à nous regarder. On les aurait... Ils étaient plusieurs. Grouille-toi, Roubaud, je sens que ça presse. Il y avait une fille aussi. On n'a pas eu le choix. On est venu saisir le mec, il était avec sa copine, alors on les a embarqués tous les deux. Asticoté aussi, la fille? Un petit peu. Et pas moi, je le jure. Tu mens? Non. Sors de ce bureau, je veux plus te voir. Cavale vers ton destin, Kevin Roubaud. Je m'en lave les mains. Non, c'était pas moi, je vous le jure, je suis pas une brute, moi. Moi, je rigolais juste. J'assurais les arrières, c'est tout. Tu rigolais de quoi? De ce qu'il faisait. Mais parle ou je te vire. Ils l'ont dessapé, ils l'ont versé de l'essence sur la... Enfin, sur... Sur le sexe. Ouais, voilà. Et ils ont allumé des briquets, ils lui ont tourné autour. Le type, il hurlait, il mourait de trouille à l'idée que son machin parte en flamme. Asticoté, hein? Et après? Après, ils l'ont retourné sur la table de gym, puis ils l'ont clouté, quoi. Clouté? Bah oui, ça s'appelle décorer un gars, et ils lui ont foncé des punaises dans le corps, et puis ils l'ont collé une matraque dans... Ils l'ont collé une matraque dans le cul, quoi. Formidable. Et la fille? Ne me dis pas que vous n'avez pas touché à la fille. Non, pas moi. J'assurais les arrières. Juste... Je me marre, c'est tout. Et aujourd'hui, tu te marres encore? Alors, la fille? Violée. Par les 4 types. Coup sur coup. Et elle a fait une hémorragie. À un moment, j'ai même cru qu'elle était morte parce qu'elle bougeait plus. 4. Je croyais que vous étiez 6. Je l'ai pas touché, moi. Et le 5e gars? Il a rien fait? Non, c'était une fille. C'était elle. Marine Bardot. Ouais. Elle était maquée avec un des gars. Nous, on voulait pas de gonzesse, mais elle était accrochée. Alors, elle a suivi, quoi. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est elle qui a étalé l'essence. Et elle se marrait bien. Hein, décidément. Hein. Et ensuite? Bah, quand le gars a eu fini de passer son coup de fil... On les a foutus dehors tous les deux à poil et... Puis on est tous allés se pinter la gueule. Bonne soirée, ça s'arrose. Ça refroidit, parole. J'ai jamais retouché à ça. Puis j'ai plus jamais entendu parler des types, en plus. Jusqu'à la semaine dernière, quand t'as vu les photos des victimes. Ouais. T'as percuté tout de suite? Ouais. Seulement après le meurtre de la fille. Je l'ai reconnue parce qu'elle avait plein de grandes beautés sur le visage. Alors j'ai regardé les photos des autres. Puis là, j'ai pigé. Qu'il était revenu. Oui. Tu sais pourquoi il a attendu tout ce temps? Non, je connais pas, moi. Parce qu'il a fait 50 tôles après ça. Sa petite amie est devenue folle suite à ce que vous lui avez fait. Elle a sauté par la fenêtre un mois plus tard. Digère ça, Roubaud. Si t'en as pas déjà assez sur le rable. Du nouveau, commissaire? Anglard. Damas a sûrement un complice à l'extérieur. Des puces ont été livrées chez cet homme alors que Damas était déjà chez nous. Quelqu'un a pris le relais dès l'annonce de son arrestation. S'il a un complice pour poursuivre la besogne, ça expliquerait sa tranquillité. Envoyez chercher des hommes interroger la sœur, Eva et tous les habitués de la place pour savoir si Damas voyait des amis. Et surtout, je veux le relever de tous ses appels téléphoniques depuis 2 mois. Entendu. Pourquoi tu as peur, Robot, puisqu'il est en tôle? Parce que c'est pas lui. Le gars, c'était un grand maigre, un minable, un intellectuel de mes deux qu'on aurait fait valser d'une pichenette. Le type qu'ils ont montré à la télé, c'est un costaud, rien à voir, vous pouvez me croire. Et tu crois pas qu'un homme peut changer en 50 tôles? Surtout s'il a décidé de se venger. Tu crois pas que des muscles, ça se fabrique, à la différence d'une cervelle, et que si toi, t'es resté aussi con, lui a pu se transformer volontairement? Pourquoi faire? Pour nettoyer la honte, pour vivre, et pour vous condamner. Les interrogatoires n'ont rien donné. Tout le monde fait la gueule là-bas, ils vous en veulent, commissaire. Je sais, je suis le traître pour eux maintenant. J'ai fait les relevés de son portable. Il ne s'en sert pas beaucoup. Mais il y a un nom qui revient plusieurs fois. Manet. Manet? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vérifié le numéro. Une certaine Clémentine Courbet, résidant 22 rue Optoul, à Clichy. Clichy? C'est le foyer de la peste de 1920. C'est dans sa famille. C'est son fantôme. Vite, cherchez à l'identité. Clémentine Courbet, née Journaud à Clichy, épouse Jean Courbet. Âge? Pas toute jeune, 98 ans. Continuez. Elle a eu une fille, née en 1946 à Clichy, Roselyne, née Courbet, épouse Heller de Ville, Antoine. Un fils, Damas? Arnaud Damas. Sa grand-mère, il appelle sa grand-mère. Elle avait 5 ans pendant l'épidémie. Ses parents? On ne va pas remonter jusqu'au Moyen Âge. Allez. Émile et Célestine Davel, nés à Clichy, cité Optoul. Eh ben les voilà, les vainqueurs de la peste. 2 hommes, d'Anglard. On fonce là-bas. Pars vite. Et revient tard. Et revient tard. Pars vite et revient tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillot. Conseillère littéraire. Emmanuelle Chevrière. Pars vite et revient tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. 9e épisode. Avec Marina Golovin, Jean-Quentin Châtelain, Serge Ranco, Claude Aufort, Philippe Duquesne, Julien Lucas, Judith Chemla, Emeline Bayard, Vincent Nemeth, Ève Rouvière, Guillaume Clémencin, Grégory Kidel, Jean Ocotrel, Maud Legré-Vélec, Vincent Dosreis, et les voix de Romain Lemire, Lisbeth Arasi-Mornay et Sylvie Bobette-Lévesque. Pars vite, reviens. Bruitage, Sophie Bissons. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Cédric Aussire.